Chapitre 138e, le docteur Louis. À quelques pas de l'endroit où André s'était évanoui, travaillaient deux aides jardiniers qui accoururent au cri de Gilbert et s'étant mis aux ordres de M. de Jussieu, transportèrent André dans sa chambre, tandis que Gilbert suivait de loin, et la tête baissée, le corps inerte, morne, comme l'assassin qui marche derrière le corps de sa victime. M. de Jussieu, arrivé au perron des communs, débarrassa les jardiniers de leur fardeau. André venait d'ouvrir les yeux. Le bruit des voix et cet empressement significatif qu'a lieu autour de tout accident attira M. de Tavernay hors de la chambre. Il vit sa fille, chancelante encore, essayer de se redresser pour monter les degrés avec l'appui de M. de Jussieu. Il accourut en demandant, comme le roi, « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » « Rien, mon père, » répliqua faiblement André, « un malaise, une migraine. » « Mademoiselle est votre fille, monsieur ?» dit M. de Jussieu en saluant le baron. « Oui, monsieur. »« Je puis donc la laisser en de meilleures mains. Mais au nom du ciel, consultez un médecin. »« Oh, ce n'est rien, » dit André. Et Tavernay répéta. « Certainement, ce n'est rien. »« Je le souhaite, » dit M. de Jussieu. « Mais en vérité, mademoiselle était bien pâle. » Et là-dessus, après avoir donné la main à André jusqu'au haut du perron, M. de Jussieu prit congé. Le père et la fille demeurèrent seuls. Tavernay, qui pendant l'absence d'André avait mis certainement le temps à profit pour de bonnes réflexions, vint prendre la main d'André, resté debout, la conduisit à un sofa, la fit asseoir et s'assit près d'elle. « Pardon, monsieur, » dit André, « mais soyez si bon pour ouvrir la fenêtre, je manque d'air. » « C'est que je voulais causer un peu sérieusement avec vous, André, et dans cette cage que l'on vous a donnée pour demeure, un souffle s'entend de tous les côtés, mais il n'importe, je parlerai bas. » Et il ouvrit la fenêtre. Puis revenant s'asseoir en secouant la tête près de sa fille, « Il faut avouer que le roi, qui nous avait d'abord témoigné tant d'intérêt, ne fait pas preuve de galanterie en vous laissant habiter un pareil taudis. » « Mon père, » répondit André, « il n'y a pas de logement à Trianon. Vous savez que c'est le grand défaut de cette résidence. » Qu'il n'y ait pas de logement pour d'autres, dit Tavernay, avec un sourire insinuant. Je le concevrais à la rigueur, ma fille, mais pour vous, en vérité, je ne le conçois pas. Vous avez trop bonne opinion de moi, monsieur, répliqua André en souriant, et malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Tous ceux qui vous connaissent, ma fille, sont au contraire comme moi. André s'inclina comme elle eût fait pour remercier un étranger, car ses compliments de la part de son père commençaient à lui donner quelque inquiétude. « Et, » continua Tavernay avec son même ton doucereux, « et le roi vous connaît, je suppose. » Et tout en parlant, il dardait sur la jeune fille un regard dont l'inquisition était insupportable. « Mais le roi me connaît à peine, » répliqua André le plus naturellement du monde, « et je suis peu de chose pour lui, à ce que je présume. » Ces mots firent bondir le baron. « Peu de chose ? » s'écria-t-il. « Mais en vérité, je ne conçois rien à vos paroles, mademoiselle, peu de chose. » Par exemple, vous mettez un bien bas prix à votre personne. André regarda son père avec étonnement. Oui, oui, continua le baron, je le dis et je le répète, vous êtes d'une modestie qui va jusqu'à l'oubli de la dignité personnelle. Oh, monsieur, vous exagérez tout. Le roi s'est intéressé au malheur de notre famille, c'est vrai. Le roi a daigné faire quelque chose pour nous, mais il y a tant d'infortunes autour du trône de sa majesté. Il s'échappe tant de largesses de sa main royale, que l'oubli devait nécessairement nous envelopper après le bienfait. Tavernay regarda fixement sa fille, et non sans une certaine admiration de sa réserve et de sa discrétion impénétrable. « Voyons, lui dit-il en se rapprochant d'elle, voyons, ma chère André, votre père sera le premier solliciteur qui s'adresse à vous, et à ce titre, j'espère que vous ne le repousserez pas. » André, à son tour, regarda son père en femme qui demande une explication. « Voyons, continua-t-il. Nous vous en prions tous, intercédez pour nous, faites quelque chose pour votre famille. Mais à quel propos me dites-vous cela? Mais que voulez-vous donc que je fasse? S'écria André, stupéfaite du ton et du sens des paroles. Êtes-vous disposé, oui ou non, à demander quelque chose pour moi et pour votre frère? Dites. Monsieur, répondit André, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez de faire. Mais en vérité, ne craignez-vous pas que nous paraissions trop avides? Déjà le roi m'a fait don d'une parure qui vaut, dites-vous, plus de 100 000 livres. Sa Majesté en outre promit un régiment à mon frère. Nous absorbons ainsi une part considérable des bienfaits de la cour. » Tavernet ne put retenir un éclat de rire strident et dédaigneux. « Ainsi, vous trouvez que c'est assez payé, mademoiselle ?»« Je sais, monsieur, que vos services valent beaucoup, » répondit André. « Eh ! » s'écria Tavernet impatienté. « Qui diable vous parle de mes services ?»« Mais de quoi me parlez-vous donc, alors ?»« En vérité, vous jouez avec moi un jeu de dissimulation absurde. »« Qu'ai-je donc à dissimuler, mon Dieu ?» demanda André. « Mais je sais tout, ma fille. Vous savez, tout, vous dis-je. Tout quoi, monsieur ?» Et le visage d'André se couvrit d'une rougeur instinctive, née de cette attaque grossière à la plus pudique des consciences. Le respect du père envers l'enfant arrêta Tavernet sur la pente devenue si rapide de ses interrogations. « Allons, sois tant qu'il vous plaira, » dit-il. « Vous voulez faire la réservée à ce qu'il paraît, la mystérieuse, soit. » « Vous laissez croupir votre père et votre frère dans l'obscurité de l'oubli, c'est bien. Mais rappelez-vous mes paroles. » Quand ce n'est pas dès le début qu'on prend de l'Empire, on s'expose à n'avoir de l'Empire jamais. » Et Tavernet fit une pirouette sur le talon. « Je ne vous comprends pas, monsieur, » dit André. « Très bien, mais je me comprends moi, » répondit Tavernet. « Cela ne suffit point lorsqu'on parle d'eux. » « Eh bien, je serai plus clair. Employez toute la diplomatie dont vous êtes pourvu naturellement et qui est une vertu de la famille à faire pendant que l'occasion s'en présente la fortune de votre famille et la vôtre. La première fois que vous verrez le roi, dites-lui que votre frère attend son brevet et que vous vous étiolez dans un logement sans air et sans vue. En un mot, ne soyez pas si ridicule pour avoir trop d'amour ou trop de désintéressement. Mais, monsieur, dites cela au roi dès ce soir. Mais où voulez-vous que je voie le roi ? Et où je dis qu'il n'est même pas convenable pour sa majesté de venir, au moment où Tavernet allait sans doute, par des paroles plus explicites, soulever la tempête qui s'amassait sourdement dans la poitrine d'André et provoquer l'explication qui éclaircit le mystère, on entendit des pas dans l'escalier. Le baron s'interrompit aussitôt et courut à la rampe pour voir qui venait chez sa fille. André vit avec étonnement son père se ranger contre la muraille. Presque au même moment, la dauphine, suivie d'un homme vêtu de noir et appuyé sur une longue canne, entra dans le petit appartement. « Votre Altesse !» s'écria André en réunissant toutes ses forces pour aller au-devant de la dauphine. « Oui, petite malade, » répondit la princesse. « Je vous amène la consolation et le médecin. Venez, docteur. »« Ah, monsieur de Tavernet !» continua la princesse en reconnaissant le baron. « Votre fille est souffrante, et vous n'avez guère soin de cet enfant. »« Madame, » balbutia Tavernet. « Venez, docteur, » dit la dauphine avec ses bontés charmantes qui n'appartenaient qu'à elle. « Venez, » tâtez ce pouls, interrogez ses yeux battus et dites-moi la maladie de ma protégée. « Oh, madame, madame, que de bonté !» murmura la jeune fille. « Comment osais-je recevoir votre Altesse royale ? Dans ce taudis, voulez-vous dire, cher enfant, tant pis pour moi qui vous loge si mal. J'aviserai à cela. » « Voyons, mon enfant, donnez votre main, monsieur Louis, mon chirurgien, et prenez garde. C'est un philosophe qui devine, en même temps que c'est un savant qui boit. » André, souriante, tendit sa main au docteur. Celui-ci, homme jeune encore et dont la physionomie intelligente tenait tout ce que la dauphine avait promis pour lui, n'avait point cessé, depuis son entrée dans la chambre, de considérer la malade d'abord, puis la localité, puis cette étrange figure de père qui n'annonçait que la gêne et pas du tout l'inquiétude. Le savant allait voir. Le philosophe avait peut-être déjà deviné. Le docteur Louis étudia longuement le pouls de la jeune fille et l'interrogea sur ce qu'elle ressentait. « Un profond dégoût pour toute nourriture, » répondit André. « Des tiraillements subis, des chaleurs qui montent tout à coup à la tête, des spasmes, des palpitations, des défaillances. » À mesure qu'André parlait, le docteur s'assombrissait de plus en plus. Il finit par abandonner la main de la jeune fille et par détourner les yeux. « Eh bien, docteur, » dit la princesse au médecin, « quid, comme disent les consultants, l'enfant est-elle menacée et la condamnez-vous à mort ? » Le docteur reporta ses yeux sur André et l'examina une fois encore en silence. « Madame, » dit-il, « la maladie de mademoiselle est des plus naturelles et dangereuses ?»« Non, pas ordinairement, » répondit le docteur en souriant. « Ah, fort bien, » dit la princesse en respirant plus librement. « Ne la tourmentez pas trop. »« Oh, je ne la tourmenterai pas du tout, madame. » « Comment ? Vous n'ordonnez aucune prescription ? Il n'y a absolument rien à faire à la maladie de mademoiselle. Vrai ? Non, madame. Rien ? Rien. Et le docteur, comme pour éviter une plus longue explication, prit congé de la princesse sous prétexte que ses malades le réclamaient. Docteur, docteur, dit la dauphine, si ce que vous dites n'est pas seulement pour me rassurer, je suis bien plus malade alors que mademoiselle de Tavernet. Apportez-moi donc sans faute à votre visite de ce soir les dragées que vous m'avez promises pour me faire dormir. Madame, je les préparerai moi-même en rentrant chez moi. Et il partit. La dauphine resta près de sa lectrice. Rassurez-vous donc, ma chère Andrée, dit-elle avec un bienveillant sourire. Votre maladie n'offre rien de bien inquiétant car le docteur Louis s'en va sans rien prescrire. Tant mieux, madame, répliqua Andrée. Car alors rien n'interrompra mon service auprès de votre Altesse royale. Et c'est cette interruption que je craigne au-dessus de toute chose. Cependant, n'en déplaise au savant docteur, je souffre bien, madame, je vous jure. Ce ne doit cependant pas être une grande souffrance qu'un mal dont rit le médecin. Dormez donc, mon enfant. Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous servir, car je remarque que vous êtes seul. Veuillez m'accompagner, monsieur de Tavernet. Elle tendit la main à Andrée et partit après l'avoir consolé, ainsi qu'elle l'avait promis.